بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, avec le sharh du Cheikh lui-même de son livre. Et on est arrivé dans le livre au point où le Cheikh il dit: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il explique maintenant et il dit: et nous croyons en la négation de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a signé pour lui-même, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à son sujet, et nous croyons que cette négation implique l'affirmation de son contraire parfait, de son parfait contraire. Et nous croyons que cette négation implique l'affirmation de son parfait contraire. Et nous nous taisons sur ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a déjà parlé de ce point-là dans le passé. On a mentionné à ce sujet-là plusieurs points. Et donc, ici, le cheikh, il le redit encore une fois, il l'explique encore une fois. Dans la traduction de Dar es Salaam, l'expression ou la parole est traduite de la manière suivante: et nous croyons que tout ce que Allah a nié à son sujet, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam a nié au sujet de son Seigneur, n'existe pas. Et que cette négation implique l'existence de son contraire et sa perfection. Bon. C'est dit d'une autre façon ici. La traduction, ça donne. Moi, je trouve que la traduction ici donne un autre sens lorsqu'il mentionne le fait que ça n'existe pas, puisque c'est pas ça vraiment qui est dit exactement tel quel. Ce qui est dit dans la parole en arabe, le cheikh dit: wa nu'minu bintifa et kulli ma nafahallahu نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. Donc il n'y a pas de mention d'existence dans cette expression là ici. Hein? Il n'y a pas de négation, il n'y a pas de mention d'existence. Donc, le fait de rajouter ça, ça donne une, ça, je trouve que ça change le sens. Donc, nous croyons qu'il faut nier tout ce que Allah s'est nié pour lui-même à propos de sa personne et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette négation implique l'affirmation de son parfait contraire, et nous nous taisons sur ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu, ainsi que son messager, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'explication de cette énoncé, c'est dans les propos de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit: فما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله لأن الله تعالى أخبر بأنه منتف عنه فيجب علينا الإيمان بذلك لكن نزيد على ذلك إثبات كمال الضد لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله إذ إن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله ليس لأن ينفي ذلك فقط. Donc ça, c'est un point important. Le Cheikh, il dit donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à propos de sa personne, donc nous devons croire que cette chose-là est niée à propos d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné que cette chose-là était niée à son sujet. Hein? On ne doit pas l'affirmer à son sujet. C'est mentionné dans, ici que c'est une négation, donc on doit le nier à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est obligatoire pour nous de croire en cette négation. Mais par contre, nous devons rajouter le point suivant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous devons rajouter le point suivant, et c'est que nous devons, en même temps que nous faisons cette négation, nous devons affirmer son parfait contraire. Hein, son parfait contraire, parce que hein, ce qui n'existe pas, hein, il dit لِأَنَّ لَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ نَفْيٌ, c'est-à-dire il n'existe pas une négation absolue dans les attributs d'Allah. Parce que nous croyons qu'il n'y a pas de négation, hein, totale ou absolue et pure dans les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que la négation absolue ou la négation pure, hein, la pure négation, eh bien c'est la non-existence, c'est le néant, hein, la non-existence. Et le néant, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de concret. Le néant, c'est rien, c'est l'absence de quelque chose. Donc, non seulement c'est pas une perfection en soi, de nier quelque chose, c'est pas une perfection, mais c'est justement l'absence de l'absence d'une chose, ou bien la non-existence d'une chose. Et ça ne peut pas être une perfection. Or, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nie quelque chose à propos de sa personne, il le nie uniquement pour clarifier sa perfection. Donc, ça ne peut pas être, cette perfection-là ne peut pas être établie par une négation pure, seulement par une négation uniquement. Il faut qu'il y ait avec cette négation-là l'affirmation de son parfait contraire. Sinon, il n'y a pas de perfection ou il n'y a pas de glorification dans cette négation-là. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et on a mentionné plusieurs exemples à ce sujet-là lorsqu'on a parlé de ce point-là dans les cours précédents. Et on a mentionné l'exemple d'un mur. Hein, et si on dit par exemple, que le mur ne fait d'injustice à personne, on a mentionné ça, mais on a dit que le fait que le mur ne fasse d'injustice à personne, hein, ou qu'il ne fasse pas d'injustice à personne, ce n'est pas une glorification pour le mur, puisque le mur n'est même pas en mesure ou capable de faire de l'injustice, parce qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, ici, ça n'implique pas une perfection. Tandis que, si tu mentionnes à propos d'Allah qu'il ne fait d'injustice à personne, hein, ça implique une perfection, et ça implique une glorification. Pourquoi ? Parce que ce qui est impliqué par cette négation de l'injustice, c'est l'affirmation de la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on nie l'injustice à propos d'Allah, c'est pour affirmer sa justice parfaite. Hein? Et quand on nie, par exemple, la fatigue ou le sommeil ou la somnolence à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour affirmer, hein, sa toute puissance et sa connaissance et yani, le fait qu'il est yani, al-qayyum, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Donc c'est pour affirmer et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nie ces choses-là. La même chose que lorsqu'il nie qu'il a un fils, lorsqu'il nie qu'il a une épouse, lorsqu'il nie avoir besoin de la nourriture, lorsqu'il nie tous ses défauts et ses faiblesses et ses imperfections, hein, c'est pour affirmer le parfait contraire de ça, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, qu'il est l'unique, hein, qu'il n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui et qu'il est le Tout-Puissant, hein, et qu'il est, hein, l'Omniscient et ainsi de suite, qu'il n'a pas de début et qu'il n'a pas de fin. Donc tout ça, c'est des perfections. D'accord ? Et c'est ça le but de ces négations-là, c'est d'établir la perfection en affirmant le parfait contraire de ces négations-là. Ensuite, le cheikh, il explique la suite. « Wa naskutu amma sakata Allahu anhu rasuluhu » C'est-à-dire, et nous nous taisons, hein, nous nous taisons sur ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu lui-même ainsi que son messager. Donc dans Dar al-Salam, il y a à peu près la même traduction, le même sens que ça. Et il dit donc, فَمَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ أَثْبَتْنَاهُ وَمَا نَفَاهُ نَفَيْنَاهُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ سَكَتْنَا عَنْهُ هَذَا هُوَ الْعَقْلُ وَهُوَ مُقْتَضَى الشَّرْعِ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ هَلْ تَقُولُ فِي مَاذَا تَقُولُ فِي الْجِسْمِ أو في الجهة أو في الحيز أو في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى فمثلا يقول لك إذا أثبتت أن الله أن لله يدا إذا أثبتت أن لله يدا حقيقية فقد جسمت إذا يقول لك إذا أثبتت أن لله يدا حقيقية فقد جسمت أي جعلت لله جسما أتقول إن الله جسم فأقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم فموقفنا عقلا ونظرا السكوت فلا نقول إن الله جسم أو غير جسم ونقول أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه وأما معناه فإن أردت بالجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله تعالى منزه عنه ولا إشكال فيه وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأنا أقول بهذا المعنى وعليه فنقول اللفظ أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه، وأما المعنى فإننا نستفصل. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل السنة والجماعة المجسمة والممثلة وحشوية ونوابت. والحشوية من الحشو، يعني ليس بذاك الناس. والنوابت التي تكون على جال الزرع أي أطرافه، وهي لا خير فيها. ونحن نقول صفونا بما تريدون، فإن إخوانكم قد وصفوا الرسل بأنهم مجانين وسحرة، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنتم صفونا بما تريدون. On va traduire ce passage parce que c'est très important. Le Cheikh il dit ensuite, et donc on se tait sur ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu par rapport à sa personne ainsi que son messager. Et ce, donc la règle, c'est ça la règle, et on résume la règle en même temps. Ce que Allah a affirmé ainsi que son messager à propos d'Allah comme nom et attribut, on les affirme. Et ce que Allah et son messager ont nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le nie, comme on l'a dit, en affirmant son parfait contraire. Et troisièmement, ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, s'il n'a rien dit ou s'il s'est tu par rapport à un point ou à une question ou à un terme ou à un mot ou à une attribut, il ne l'a pas mentionné, il n'en a pas parlé, il ne l'a pas affirmé et il ne l'a pas nié. Il n'a pas parlé de cette chose-là du tout. Un terme qui est ni mentionné dans les textes du Coran ni dans les textes de la Sunna, que ce soit à l'affirmative ou à la négative, il n'est pas mentionné du tout dans les textes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces termes-là? On se tait. Naskut. On se tait. Natawakkaf. On s'arrête. Et le Cheikh, il dit donc la règle, à propos de ces termes que les ulama, ils appellent parfois al-mujmalat, al-alfad al-mujmala, c'est-à-dire les termes qui sont ambigus, les termes qui sont ambigus, qui peuvent avoir un sens à la fois vrai et faux. Puisque ce sont des termes qui ne sont pas dans la révélation. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ce sont des termes qui ne sont ni affirmés ni niés dans la révélation. C'est des termes ambigus. Ça peut avoir un sens qui est vrai ou faux. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Le Cheikh, il dit, ce qui est établi par la raison, et qui est en accord avec la charia, ce qu'on se tait à ce sujet-là. On n'en parle pas à la base. Et donc, si quelqu'un nous pose la question, le Cheikh dit, si quelqu'un nous pose la question, que dites-vous à propos du jism? Le jism, ça veut dire le corps. Que dites-vous à propos du corps? Que dites-vous à propos de al-jiha? Qu'est-ce que ça veut dire al-jiha? Al-jiha, ça veut dire la direction. En haut, en bas, à droite, à gauche, en avant, en arrière, Qu'est-ce que vous dites à propos de al-jiha, c'est-à-dire la direction, ou bien al-hayz? Qu'est-ce que ça veut dire al-hayz? Al-hayz, ça veut dire la limite ou la délimitation, les bords, les limites. Al-hudud ou al-had aussi, c'est un terme qui veut dire les limites. Donc, ça c'est les termes utilisés et employés par les gens de philosophie et les gens de kalam. Eux, quand ils parlent à propos d'Allah, ils ramènent plein de termes comme ça qui ne sont pas mentionnés ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni à l'affirmative, ni à la négative. Et puis ils viennent et ils posent aux gens les questions comme ça. Et en réalité, on se demande s'ils ne sont pas en train de poser ce genre de questions-là pour les mettre dans l'embarras, ou pour les confondre, ou pour les mélanger dans leur religion. Parce que où est l'intérêt de venir poser ces questions-là aux gens alors que Allah et son messager n'en ont pas parlé, ni les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in. Ils n'ont jamais parlé de ces questions-là, ils n'ont jamais mentionné ces termes-là à propos d'Allah. Alors pourquoi toi tu viens avec ces questions-là pour demander à propos d'Allah? Hein? Donc ça c'est des innovations déjà, même mentionner ça c'est des innovations. De poser même la question sur ces questions-là que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné ni son messager, ça rentre même dans les innovations. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on dit de ces choses-là? Il mentionne al-jism. Al-jism, le corps. Al-jiha, la direction. Al-hayz ou al-had, hein, les limites. Il mentionne aussi parfois al-makan. Al-makan, qu'est-ce que ça veut dire al-makan? C'est-à-dire le lieu ou l'espace. Donc, surtout les ahbash, ils aiment cette question-là. C'est-à-dire, hal lillahi makan? Hein? Hal tusbitu lillahi makanan? Est-ce que tu affirmes à propos d'Allah un lieu ou un espace, hein, ou un endroit? Hein? Donc ça c'est des termes qui ne sont pas affirmés ni niés dans la révélation. Allah n'en a pas parlé ni son messager. Pourquoi vous posez cette question? Allah il a dit Ar-Rahman ala l'arsh istawa, il est au-dessus de son trône, mais il n'a pas parlé d'autre chose. Donc pourquoi vous voulez vous rentrer dans ces termes-là qui ne sont pas mentionnés? Alors le cheikh il nous a expliqué par la suite qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, comment on répond à ce genre de propos. Donc il dit ça c'est des termes, al-jism, al-jiha, al-hayz, al-had, al-makan, ça c'est des termes que les gens de Kalam ont ramené et dans lesquels ils ont voulu philosopher et disputer et yani, ils ont commencé à patauger là-dedans et à se noyer là-dedans et à s'égarer dans ces termes-là. Et le but derrière l'utilisation de ces termes, c'est d'arriver à la négation des attributs. La seule raison pour laquelle ils utilisent ces termes, c'est pour arriver à la fin, comme résultat, de nier les attributs d'Allah. Pourquoi? La preuve que c'est ça leur but et leur intention derrière ces termes-là, c'est que à chaque fois que tu leur mentionnes des attributs d'Allah qui ont rapport avec son être et qui sont mentionnés dans la révélation, ils sortent avec ces expressions-là. Par exemple, si tu leur dis que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, c'est Allah qui l'a mentionné ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu leur dis que Allah est au-dessus de sa création, élevé sur son trône, ils disent, est-ce que tu dis que Allah a un lieu? Est-ce que tu dis que Allah a un endroit? Donc pourquoi ils posent cette question après que tu leur aies mentionné que Allah s'est élevé sur le trône? Parce que leur objectif derrière ça, c'est d'utiliser la philosophie et les raisonnements des philosophes et les questionnements, hein, et la dialectique comme ils utilisent les philosophes pour essayer de te remettre en question dans l'affirmation des attributs d'Allah et pour essayer de te faire comprendre ou de te faire croire que dans le fait d'affirmer les attributs que Allah s'est affirmé pour lui-même ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah, ils veulent te faire croire que dans ça il y a un problème, il y a un défaut ou il y a une imperfection et que ça implique quelque chose qui n'est pas correct, hein, à propos d'Allah, ou une ressemblance entre la création et le créateur. Donc ils posent ce genre de questions. Quand tu leur dis Allah il a une main, ils te disent est-ce que Allah est un corps? Est-ce que Allah a un corps? Est-ce que quand tu leur dis Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, waj, yad, hein? Quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a un pied, hein? Il a une jambe. Quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a as-saq wal-qadam, hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'il va mettre son pied sur l'enfer, hein? Et que l'enfer va dire qat qat, hein? ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il dit dans le Coran, qu'il va faire de la terre et des cieux une poignée, et qu'il va fermer les cieux dans sa main droite. Il dit, oh, mais vous, vous dites que Allah il a un corps. Des choubouhats comme ça. Quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit, pour demander aux gens, ceux qui veulent lui demander, pour ceux qui veulent demander le pardon, pour qu'il leur pardonne. Ils disent, oh, est-ce que tu dis que Allah il a une limite? Est-ce que tu dis que Allah est dans une direction? Est-ce que tu dis que Allah a un espace, ou a un lieu, ou a un endroit, ou si, ou ça? Toutes des choubouhats pour nier, arriver à la négation de ce que Allah a affirmé comme perfection et comme attribut de perfection. Donc, le cheikh il dit, leur but par cela, c'est d'arriver à nier les attributs d'Allah. Et donc, par exemple, le cheikh il dit, par exemple, lorsque tu affirmes que Allah a une main réelle, ils disent, ah, t'as attribué à Dieu un corps, ou t'as attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un corps en disant ça. Tu as donné à Allah un corps, ou attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un corps. Est-ce que tu dis qu'Allah a un corps? C'est ça leur shubuhat. Et le cheikh il dit, et nous on répond de la façon suivante. Écoutez bien la façon comment le cheikh il répond. Il dit, inna Allah lam yasif nafsahu bi annahu jism. Donc premièrement on dit, inna Allah lam yasif nafsahu bi annahu jism, wa la bi annahu ghair jism. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit qu'il a un corps, ou qu'il est un corps, et il n'a pas dit qu'il n'est pas un corps, dans le Coran ou dans la Sunna. Alors tu peux leur dire, montre-moi un verset dans le Coran, ou un hadith, dans la Sunna, authentique, où Allah subhanahu wa ta'ala, ou son messager, ont dit, je suis un corps, que Allah a dit, je suis un corps, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est un corps, ou qu'il a dit je ne suis pas un corps, et que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah il n'est pas un corps. Montre-moi ça dans le Coran et dans la Sunna. Nulle part tu trouves. Nulle part tu le trouves. Pourquoi? Parce que ce terme-là n'est pas mentionné à propos d'Allah, ni à l'affirmative ni à la négative. La même chose pour le terme makan, ou le terme hayyiz, ou al-jism, ou al-jiha, ou al-hayz, ou al-had. Ces termes-là ne sont pas mentionnés dans la révélation du tout. Donc, nous, on leur dit, premièrement, Allah n'a pas affirmé qu'il a un corps, et qu'il est un corps, et il n'a pas nié qu'il est un corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Selon la raison, et selon la compréhension, on doit se taire dans ce cas-là. Allah, il n'a pas affirmé, il n'a pas nié. Alors, toi, qui es-tu pour parler dans ce cas-là? Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on n'a pas le droit de dire que Allah a un corps, ou qu'il est un corps, et on n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas un corps. On n'a pas le droit de dire l'affirmation, on n'a pas le droit de dire la négation. En ce qui concerne le mot lui-même, corps, ou jism, on ne l'affirme pas, et on ne le nie pas. D'accord? On dit pas oui et on dit pas non. Pourquoi? On sait pas. Allah il l'a pas dit. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit nous non plus de dire oui et on n'a pas le droit non plus de dire non. Parce que si on dit oui, ça peut impliquer quelque chose de faux. Et si on dit non, ça peut nier quelque chose de vrai. Donc on n'a pas le droit de dire oui, on n'a pas le droit de dire non. Mais en ce qui concerne le terme lui-même, on n'a pas le droit de l'employer à la base, puisque Allah il n'a pas employé. Donc on se tait par rapport au terme lui-même. En ce qui concerne la signification du terme, qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que eux veulent dire par ce terme-là, alors là on va leur demander peut-être d'expliquer ou de se clarifier. Ok. Quand tu dis le mot corps, tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce mot-là? Pourquoi tu dis que Allah, il est ou il n'est pas un corps? Quand tu dis corps, ça veut dire quoi pour toi? Donc tu vas voir la signification qu'il va te donner. S'il te donne une signification qui est fausse et qui implique une imperfection à propos d'Allah, dans ce cas-là, tu vas nier la signification qui est fausse. Si il te donne une signification qui correspond à quelque chose que Allah a affirmé et qu'il a mentionné dans le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna, alors dans ce cas-là, cette signification-là, elle est vraie. Donc tu dois l'affirmer, cette signification qui est vraie. Et l'exemple de ça, dans les propos du cheikh ici, c'est l'exemple suivant. Il dit, supposons que il dit, Allah n'est pas un corps. Toi tu dis, on ne peut pas dire qu'il a un corps, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas un. Parce qu'il ne l'a ni affirmé, il ne l'a pas nié non plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire par le corps? Si lui il dit, ce que je veux dire par le corps, c'est un ensemble de membres qui sont rattachés ensemble, ainsi que du sang et de la chair et des os et des muscles qui sont tous interconnectés et ainsi de suite. Donc on va lui dire dans ce cas-là, si c'est ça que tu veux dire, alors dans ce cas-là, Allah il est purifié de ce genre de choses. Hein? Il n'y a pas de problème avec ça. Non, la signification, le cheikh dit cette signification-là, elle est fausse. On n'a pas le droit de l'affirmer. Parce que Allah est purifié de ce genre de choses. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Et il n'a pas mentionné ça non plus dans la révélation, ces choses-là. Comment tu peux les affirmer sans qu'il l'ait affirmé lui-même? Donc le cheikh il dit, il est purifié de ce genre de choses, فَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْهُ وَلَا إِشْكَلَ فِيهِ. Il n'y a aucun problème avec ça. Il dit, mais si par contre, ce qu'il veut dire par le corps, c'est une chose qui se tient par elle-même et qui est décrite par des attributs qui lui conviennent, alors ça, c'est ce que nous devons dire. Et c'est en accord avec ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un être qui se suffit à lui-même et qui existe par lui-même, qui est décrit par des attributs qui lui conviennent et qui conviennent à sa perfection et à sa majesté et à sa grandeur. Alors ça, s'il dit que c'est ça pour lui le corps, alors on va lui dire, si c'est ça la signification du terme corps que tu as employé pour toi, ça veut dire ça pour toi, alors cette signification-là, elle n'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et donc, dans ce cas-là, cette signification-là, elle est correcte. Toutefois, le terme lui-même, on n'a pas le droit de l'utiliser, hein, parce qu'il n'est ni utilisé dans la révélation du Coran et de la Sunna à l'affirmative, ni à la négative. Donc il dit, وَعَلَيْهِ فَنَقُولُ أَمَّا اللَّفْظُ فَإِنَّنَا لَا نُثْبِتُهُ وَلَا نُنْفِيهِ وأما المعنى فإننا نستفصل. Donc si c'est la question du terme, on l'affirme pas et on le nie pas. Mais si c'est la signification, alors on demande de détailler. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Et pour vous donner un autre exemple de ça. Si quelqu'un, parce que c'est déjà arrivé une fois, j'avais une discussion avec des chrétiens. OK? Et j'étais en train de discuter avec des chrétiens. Et vous savez, des fois, on va mentionner des choses dans une discussion. On dit tous les deux le même terme, mais pour toi, le terme veut dire une chose, et pour l'autre, le terme veut dire autre chose. Donc, toi, tu dis oui, et lui, il dit non. Pourtant, vous dites le même terme, mais vous n'êtes pas d'accord sur la signification du terme. Alors, à cause de ça, vous êtes en train de tourner en rond. Toi, tu dis oui, lui, il dit non. Hein? Et la raison de ça, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord sur la signification. L'exemple de ça, c'est l'exemple d'une discussion que j'ai eue avec un chrétien une fois. On était en train de faire une présentation sur l'islam. Puis, en même temps, bon, j'expliquais avec des chrétiens qui étaient là et ils me posaient la question. Donc on discutait, je leur disais que j'étais chrétien, puis que je suis devenu musulman. Alors, il y en a un des chrétiens qui était présent qui m'a demandé, est-ce que tu étais un born again Christian avant d'être musulman? Est-ce que tu étais un born again Christian ou non? Ok, comment je pourrais expliquer? Le terme, les chrétiens, parmi les protestants, il y a des mouvements comme les mouvements évangélistes ou des ces types-là, par exemple, de parmi les sectes chrétiennes, en particulier parmi les protestants, il y en a ceux qui s'appellent les born again. Qu'est-ce que ça veut dire born again? Ça veut dire que c'est comme s'ils sont nés une nouvelle fois. Okay, c'est comme s'ils sont nés à nouveau. Donc ils disent quand on était comme s'ils étaient chrétiens mais ils pratiquaient pas ou bien ils étaient pas protestants, ils étaient par exemple catholiques ou bien dans d'autres pratiques. Puis par la suite ils se sont convertis à cette secte chrétienne. Donc ils considèrent que à partir de ce moment-là ils sont nés à nouveau, comme s'ils ont eu une deuxième naissance. Ouais, si on veut. Mais c'est pour eux, c'est comme différent. C'est comme si là, quand ils sont rentrés dans le christianisme, pour eux, c'est comme avant, ils n'étaient pas dans le vrai christianisme, et là, ils sont devenus des vrais chrétiens. Donc, ils disent, on est à nouveau nés. Alors, lui, il me posait la question. Il dit, toi, si t'es devenu musulman, c'est parce que t'étais pas un born again Christian. Parce que si tu étais un born again Christian, tu serais jamais devenu tu serais jamais devenu musulman. Alors je lui disait non, ça se peut pas, t'étais pas un vrai chrétien, sinon tu serais jamais devenu musulman. Et je lui dis, ok, donne-moi la définition ou l'explication, qu'est-ce que c'est pour toi un born again Christian? Parce que comment tu peux nier que j'étais chrétien avant d'être musulman et que toi tu veux donner au terme chrétien une nouvelle signification en disant born again? D'où est-ce que tu as sorti cette définition-là pour définir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien? Donc je lui ai dit, explique-moi en quoi consiste être un born again. Et une fois que je lui ai posé cette question-là, il était bloqué parce que Yanni, la réponse qu'il m'a donnée, c'était une réponse Yanni, qui n'était pas... c'est pas clair. Il m'a dit, c'était... Est-ce que tu avais choisi Jésus comme ton serviteur personnel? Ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça ne veut rien dire en réalité. C'est pour dire que des fois, les gens ils vont ramener des définitions, ils parlent avec des termes, mais ils ne les expliquent pas. Et c'est pour ça, à l'exemple des termes philosophiques que les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Asha'ira, les Maturidiyah et les Ahbash, ils utilisent ce genre de termes parmi les termes des gens de Kalam pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand tu leur demandes, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire quoi par le corps? Tu veux dire quoi par la limite? Tu veux dire quoi par la direction? Est-ce que tu veux dire que Allah il est pas au-dessus de son trône? Quand tu dis, est-ce que Allah a un corps, est-ce que tu veux nier par là que Allah a une main, ou tu veux nier qu'il a un visage? Quand tu dis, est-ce que Allah il a une limite, quoi, tu veux nier par là que Allah est au-dessus de son trône, ou bien qu'il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit? C'est ça ton but? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là? Pourquoi tu les affirmes, ou pourquoi tu les nies? Alors que Allah il les a pas ni affirmés, ni niés. Donc, ça c'est un exemple. Tu leur demandes de détailler. Mais si tu ne veux pas rentrer dans toutes ces discussions-là inutilement avec ces gens-là, parce que c'est des gens qui aiment philosopher, et que des fois si tu rentres dans des discussions avec des gens de bid'a, au lieu, parce que des fois les gens, c'est ça le danger. Le cheikh, il mentionne ces exemples-là. Ça, c'est pour quelqu'un qui est un talib ilm et qui a étudié bien comme il faut sa aqida et qui est fermement installé, établi dans sa compréhension et dans sa science de ces questions-là. S'il rencontre un de ces mubtadi'a, une personne qui a des shubuhat, et puis que la personne Hein, elle a besoin de qu'on lui clarifie ces questions-là. Alors, il lui donne, le cheikh, il nous donne des armes, hein, des moyens pour être capable de savoir comment clarifier les choses pour ces gens-là. Mais le commun des musulmans, hein, musulmans ordinaires, l'important pour lui, c'est juste de savoir la vérité à propos de la méthodologie des gens de la sunna au sujet des noms et des attributs, c'est qu'il faut les affirmer et nier ce que Allah a nié et se taire à propos de ce que Allah s'est tu, c'est que son messager, si tu appliques ça, t'es sauvé, t'es correct, t'es sur le bon chemin. Maintenant, si c'est la question, est-ce que tu vas rentrer dans des discussions avec eux, puis leur demander qu'est-ce que ça signifie pour toi, puis commencer à essayer de leur dire, mais si ça c'est vrai, dans ce cas-là c'est correct, si c'est faux, on le rejette, et que ta aqida elle est pas encore solide, ta connaissance elle est pas établie, ton niveau il est pas encore à ce stade-là, et que tu veux rentrer en discussion avec eux, tu vas t'égarer. Ils vont te ramener des shubuhat, et puis tu sauras pas comment répondre. Donc, les salafs, ils détestaient ce genre de choses. Ils détestaient même rentrer dans des discussions avec eux. Surtout si c'est des du'ats, des gens qui prêchent la bid'a et qui appellent à la bid'a, le mieux dans ce cas-là, c'est de ne même pas leur adresser la parole, de même pas leur discuter sur quoi que ce soit de ça. Et s'ils viennent vers toi pour te poser des questions sur ça, hein, et tu vois que leur but c'est, hein, de te mélanger ou de te confondre dans ta croyance, alors dans ce cas-là, tu leur dis, hein, yani salam, moi je veux rien savoir, hein, je veux pas discuter. Et tu t'en vas, ou bien tu dis, soit vous vous en allez ou moi je m'en vais. Comme les salafs disaient aux gens de bid'ah, hein, ils disent, soit que tu te lèves ou moi je me lève. Et c'est rapporté de la part de certains des salafs comme Ayyub, Sertiani et d'autres. Ils ont dit, par exemple, quand il y a un Moubtadir qui venait pour leur parler, ils ont dit, est-ce qu'on peut te lire un verset dans le Coran, hein? Est-ce qu'on peut te lire un hadith? Il dit non. Est-ce qu'on peut te lire un verset dans le Coran? Ils ont dit non. Ils ont dit, soit tu te lèves ou moi je me lève. C'est-à-dire, soit tu t'en vas ou bien moi c'est moi qui s'en vais. Et après ils ont dit, les gens qui étaient avec ces imams là parmi les salafs, ils ont dit mais pourquoi tu voulais pas accepter qu'ils te lisent un verset dans le Coran, hein? Même un verset de Coran, tu veux pas le laisser te réciter ça ou te lire ça? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, ces imams parmi les salafs? Ils ont dit, j'ai peur qu'il me déforme le sens du verset et que je ne sois pas capable de lui répondre, et que ça reste dans mon cœur, puis que je m'égare à cause de ça. Donc, c'est pour ça que il ne faut même pas, hein, rentrer dans ce genre de débat ou de discussion avec eux. Mais si c'est quelqu'un qui a le niveau et qui a la connaissance et la compréhension, hein, et qui est capable de les réfuter et de leur montrer la vérité, et qu'il espère et qu'il anticipe que ces gens-là vont vouloir revenir à la sunna, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, hein. Et le cheikh, il dit, walihada yusamma, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ولهذا يسمى أهل التعطيل أهل السنة والجماعة. يعني les gens du ta'til, c'est-à-dire les gens qui nient les attributs d'Allah, hein, c'est pour ça que les gens qui nient les attributs d'Allah, quand ils parlent des gens de la sunna, ils les appellent par des surnoms et des sobriquets pour essayer de se moquer d'eux ou les dénigrer. Donc ils vont les appeler des mujassima ou des mumathila ou des hashawiya ou nawabit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mujassima? Ça vient du mot jism. Donc, mujassim, c'est quelqu'un qui affirme le jism, qui affirme le corps. Donc, il parle des gens de la sunna, et parce que les gens de la sunna disent que Allah, il a les attributs qu'il s'est affirmé pour lui-même, hein, le visage, hein, qu'il a yani une, deux mains, qu'il a un visage, qu'il a deux yeux, qu'il a yani, comme il s'est décrit lui-même, des pieds et qu'il a des jambes, hein. Donc quand on affirme ça, eux ils disent vous êtes des mujassima, hein, vous êtes des mujassima ou bien des mumathila ou bien des mushabbiha, des anthropomorphistes, ils disent. Ou bien ils disent aussi des termes comme hashawiya, ça c'est des termes que les mu'tazila employaient, ainsi que les jahmiya. Ils parlaient des salafs et des gens de la sunna, ils les appelaient des hashawiya. Al-hashawiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui n'ont pas de valeur. Des gens futiles, ou des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune importance. Ou bien al-nawabit, hein, des mauvaises herbes. Des choses comme ça. Hein, des mauvaises herbes. Donc, il dénigrait les gens de la sunna en les traitant de surnoms de cette façon. Et le cheikh, il dit, et nous disons, appelez-nous comme vous voulez nous appeler, hein, décrivez-nous, hein, comme vous voulez, parce que vos frères qui vous ont précédés, hein, c'est-à-dire les ennemis des prophètes, ils ont traité aussi les prophètes de surnoms, eux aussi, hein, ils ont traité les prophètes de fous et de sorciers. Donc le fait que vous nous traitiez de surnoms comme ça, Vous êtes en train de suivre l'exemple de vos frères qui vous ont précédé parmi les ennemis des messagers, en traitant les gens de la sunna de surnoms comme ça. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 52, dans surat al-Dhariyat, et c'est ainsi que aucun prophète n'est venu avant eux, excepté qu'ils ont dit à leur sujet, « Sahirun ou majnoun », hein, un sorcier ou un fou. Donc c'est ça ce qu'il disait à propos des messagers. Donc si vous dites à notre sujet des insultes ou des dénigrements ou des moqueries ou des surnoms, des sobriquets, de la même manière que vos ancêtres faisaient, hein, ou que vos frères faisaient parmi les ennemis des messagers, nous, ça nous enlève rien de, en réalité. Ensuite, le point que le cheikh il mentionne, il dit فأنتم. Donc il dit مسألة هل الصفات المسكوت عنها محصورة؟ الجواب لا ليست محصورة وكل صفة لم يصف الله بها نفسه نسكت عنها. Donc il dit est-ce que les attributs au sujet desquels Allah n'a pas parlé, hein, ainsi que son messager, est-ce que elles sont limitées? Et la réponse du cheikh à ce sujet-là, c'est que non, elles ne sont pas limitées. Tout attribut que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé pour se décrire lui-même, ainsi que son messager, hein, eh bien, on doit se taire à son sujet. On ne doit pas en parler. Il n'y a pas de limite à ça. Ensuite, il explique la suite, le passage suivant. وَنَرَى أَنَّ السَّيْرَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ. C'est-à-dire, et nous considérons que d'avancer ou de suivre ce chemin-là, c'est une obligation, hein, une nécessité, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix d'emprunter cette méthodologie-là et cette voie-là, hein. Donc d'affirmer ce qu'Allah a affirmé et son messager, et de nier ce qu'Allah a nié et son messager, et de te taire au sujet de ce sur quoi ils se sont tus à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Ça c'est une voie, une méthodologie que c'est une obligation, hein, de l'employer et de la suivre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il dit وَهَذَا حُكْمُ السَّيْرِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ وَنَرَى أَنَّهُ فَرْضٌ لا بد من أن يسير الإنسان على هذه القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده وثالثا السكوت عن ما سكت الله عنه. Donc le cheikh il dit, Et ça, c'est une réponse en même temps à propos des gens de Bid'a à notre époque et des gens de la fitna qui citent parfois des propos de Cheikh Ibn Uthaymeen pour essayer de mettre des doutes chez les gens au sujet de l'obligation d'être sur la voie des salafs et de suivre le manhaj des salafs. Le Cheikh il dit, et nous voyons que d'emprunter ce chemin est une obligation. Et on n'en a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Et le Cheikh il dit, et ça c'est le verdict au sujet d'emprunter la méthodologie des salafs et la voie des salafs. Et nous considérons cela comme une obligation. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et nous considérons que cela est une obligation. Wa nara annahu fard. Qu'est-ce qui est fard? As-sayru ala manhaj as-salaf. De rester sur la voie des salafs. Les salafs, c'est les pieux prédécesseurs. Parmi les sahaba, les tabi'in et les tabi'at tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. C'est-à-dire que nous devons, chaque personne doit suivre cette règle. Et la règle, c'est quoi? À propos des noms et des attributs d'Allah, il y a ces trois règles. Premièrement, affirmer ce que Allah a affirmé à propos de sa personne. Deuxièmement, nier ce que Allah a nié à propos de sa personne en croyant en l'affirmation de son parfait contraire. Et troisièmement, de se taire au sujet de ce sur quoi Allah s'est tu. Donc s'il n'a rien dit, on dit rien. Ce qui n'a pas nié ni affirmé, on ne le nie pas et on ne l'affirme pas. C'est ça la règle. D'accord? Après, Cheikh Ibn Uthaymeen, il continue et il dit, et ça c'est la fin d'un des du chapitre, c'est pas le chapitre, mais disons le résumé là, par rapport aux règles. Il dit, وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. وعليكم السلام ورحمة الله. ففي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. Donc le Cheikh il dit, donc cette voie, il faut l'emprunter, la voie des salafs. On a dit c'était quoi? Affirmer ce que Allah a affirmé, nier ce que Allah a nié en affirmant ou en croyant en l'affirmation de son parfait contraire, et se taire au sujet de ce sur quoi Allah s'est tu. Et il dit que ça c'est l'obligation. Pour nous, c'est d'obligation de suivre cette voie qui est la voie des salafs. Il dit pourquoi? Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé à propos de lui-même ou ce qu'il a nié à propos de lui-même, eh bien c'est une information que Allah nous a donnée à propos de sa personne. Et il se connaît mieux lui-même que quiconque. Qui connaît mieux Allah que Allah lui-même? Personne. Et il est asdaqu qila. Il est celui dont la parole est la plus véridique. Wa ahsanu haditha. Et celui dont la parole est la mieux dite. Wal ibadu la yuhituna bihi ilma. Et les serviteurs ne peuvent pas le cerner, par la science. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas en cerner Allah subhanahu wa ta'ala, dans la science et dans la connaissance. Ils sont limités dans leur connaissance d'Allah. Donc si Allah il a dit qu'il a une main ou qu'il a un visage ou qu'il est au-dessus de son trône, il se connaît mieux que toi. Il sait mieux comment parler de lui-même que toi. Et il est plus véridique que toi. Et toi, ta connaissance à propos d'Allah, elle est limitée. Hein? De même que ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé, ou ce qu'il a nié à propos d'Allah, eh bien, c'est une information qu'il nous a donnée à propos d'Allah. Et c'est lui parmi tous les hommes qui connaît le mieux son Seigneur. Personne connaît mieux Allah que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, mais c'est la plus sincère des créatures. Donc il veut pour nous du bien, il ne veut pas le mal. Donc pourquoi il va nous mettre des ambiguïtés ou utiliser des termes qui impliquent des faussetés à propos d'Allah s'il a employé ses attributs et qu'il a mentionné ses attributs à propos d'Allah? Eh bien, c'est parce qu'il savait que c'est la vérité. Et il veut pour nous le bien. Et donc, il veut qu'on croie à propos d'Allah de la meilleure façon et qu'on connaisse notre Seigneur. Et c'est la personne la plus véridique parmi toutes les créatures. Donc, il ne va pas nous mentir. Il ne va pas nous dire le contraire de la vérité. وَهُوَ أَفْصَحُهُمْ. Et c'est le plus éloquent des hommes. C'est-à-dire qu'il sait comment exprimer les choses qu'il veut dire et qu'il veut mentionner. Et donc, il va utiliser les meilleurs termes dans les meilleurs contextes de la meilleure façon. Donc, on ne peut pas l'accuser de pas savoir s'exprimer ou de pas savoir comment mentionner les choses à propos d'Allah correctement. Il dit donc, il y a dans la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance parfaite, ainsi que la véracité, ainsi que la clarification. فَلَا عُذْرَ فِي رَدِّهِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِي قَبُولِهِ. Il n'y a donc aucune excuse de le rejeter ou d'hésiter à l'accepter. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui veut le rejeter ou qui hésite de l'accepter. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique par rapport à ces points-là, il mentionne des commentaires par rapport à chacun de ces points. Il dit وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّمَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَأَصْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا وَالْعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر به. Donc si tel est le cas, donc il faut obligatoirement remettre cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala, sans remettre à Allah dans cette affaire, et reconnaître la véracité de ce qu'il nous a donné comme information à propos de ses noms et de ses attributs. Et le deuxième point, وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَبِّهِ وَأَنْصَحُ الْخَلْقِ وَأَصْدَقُهُمْ وَأَفْصَحُهُمْ وَهَذَا أَمْرٌ لَا جِدَالَ فِيهِ فَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَأَنْصَحُهُمْ لِلْخَلْقِ وَأَصْدَقُهُمْ وَأَفْصَحُهُمْ هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc ça c'est même ces trois points-là, le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est la plus sincère, la plus véridique et la plus éloquente, c'est les points sur lesquels Ibn Taymiyyah s'est basé pour réfuter les gens de Kalam à propos de cette question-là. Ils ont dit, par exemple, à propos de ceux qui nient les attributs ou qui font le ta'wil. Il les a divisés en trois catégories, ceux qui ont dévié par rapport aux attributs d'Allah. Ahlu tajhil, ou ahlu ta'wil, ou ahlu, ou ahlu tajhil, ou ahlu ta'til, ou ahlu at-takhyil. Il les a divisés en trois catégories. Ahlu tajhil, les gens du tajhil, c'est-à-dire qui accusent les prophètes et les sahaba d'être ignorants. Et ça, c'est ceux qui font le tafouir des noms et des attributs d'Allah. Ils disent, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ces attributs-là. C'est comme si c'était des mots étrangers dans une autre langue qu'on ne comprend pas. Quand Allah il dit qu'il est au-dessus de son trône ou qu'il a une main, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça c'est Ahlul Tajhil. Donc il traite les Sahaba d'ignorants, ainsi que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul Ta'til, c'est ceux qui, hein, ou Ahlul Ta'wil plutôt, c'est les gens qui déforment le sens des attributs. Et ils vont dire par exemple, la main d'Allah ça veut dire la puissance, ou la main d'Allah ça veut dire la grâce. Et les ulama des salafs disaient à ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il savait que le terme main ou yad en arabe, ça ne veut pas dire main, mais ça veut dire la puissance à propos d'Allah? Donc ils doivent répondre soit oui ou non. Est-ce qu'ils le savaient ou est-ce qu'ils ne le savaient pas? Donc s'ils disent hein, non, ils ne le savaient pas, alors tu vas lui dire, ben comment dans ce cas-là vous pouvez dire quelque chose, hein? Alors ça veut dire que vous prétendez que vous savez plus que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils disent oui, ils le savaient, alors on va leur dire, alors dans ce cas-là, montrez-nous la preuve. Où est-ce qu'il l'a dit? Et ils ne peuvent pas le prouver. Et après ça, on va leur poser une autre question. S'ils le savaient, supposons qu'ils le savaient, hein, est-ce qu'il l'a dit ou il ne l'a pas dit? C'est ça l'autre implication. Que s'ils disent qu'ils le savaient, ils le savaient, dans ce cas-là, soit vous nous ramenez la preuve, vous n'avez pas la preuve. Et là, ils vont dire, oui, il le savait, mais il a décidé de ne pas nous le dire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Hein? Parce qu'il le savait, mais il ne l'a pas dit, il l'a caché. Ça, c'est qu'est-ce qui vient en contradiction avec un nusr. Hein? Et on a dit que « huwa ansahu an-nas ». La personne qui est nasih, qui est sincère, hein, et qui veut du bien pour les autres, elle ne va pas cacher l'information qui est nécessaire pour les gens de connaître à propos de la religion d'Allah. Hein? Il est le plus éloquent, hein? Donc wa a'lamuhum billah wa ansahuhum billah wa afsahuhum wa asdaquhum. Donc tout ça c'est des exemples, yani comment les ulama ont clarifié ces points là il dit wa qawluhu fa fi kalam Allah wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam kamalul ilm was sidq wal bayan. فلا عذر في رده أو التردد في قبوله وهذه قاعدة مهمة نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. فائدة: أنا الآن أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف وأن هذا أسلم وأحسن وهو الأفضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي، هل هو كلام الله، هل هو كلام الله أم رواه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ فينبغي أن لا نقول هكذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. ولكن إذا سئلنا ولكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، يعني هل تلحقون الحديث القدسي بالقرآن في الأحكام أو لا، فنقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق عن القرآن لا تنطبق عليه. فأنا أرى أخيرا، وهو الذي أدعو إليه الآن، أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائلون هل لله جسم أو غير جسم فلا نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن الله له وجها، وأن الله له وجها، وأن له يدا، وأن له عينا، وأنه ينزل ويستوي. وأما أن نقول جسم أو غير جسم فهذا ما ورد، لكن يجد أن نستفصل فيها في المعنى. نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى بهذا المعنى ليس بجسم. ولئن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم بذلك، وبذلك نسلم من إرادات كثيرة، سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان علينا. Donc le cheikh il termine ce point là en disant que yani les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son messager في كلام الله تعالى كمال العلم. Donc c'est ça, dans les il dit dans les propos d'Allah et de son messager il y a la connaissance parfaite et ainsi que la véracité et l'explication claire. Et il dit donc qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui veut le rejeter ou qui hésite de l'accepter. Et le cheikh il dit donc ça c'est une règle importante, et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons parmi les gens de la sunna qui suivent les textes et les narrations authentiques de la religion. Et il mentionne un point ensuite. Il dit je considère aujourd'hui qu'il est préférable de ne pas parler de ces questions-là, excepté en mentionnant ce que les salafs ont dit. Pourquoi ? Parce que en suivant et en se limitant à ce que les salafs ont dit dans ces questions-là, on se préserve, et c'est quelque chose de c'est préférable et c'est meilleur pour nous. Il dit ومن ذلك ما كنا نقول في. Donc un exemple de ça, c'est ce que nous disions préalablement ou dans le passé à propos du hadith Qudsi. Et le hadith Qudsi, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il relate les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit mon Seigneur a dit, et puis il mentionne par la suite les propos d'Allah directement dans ces hadiths là. Allah subhanahu wa ta'ala parle, il s'adresse lui-même au serviteur à la première personne. Il dit vous, il s'adresse au serviteur en disant vous si c'est au pluriel, ou toi s'il parle au fils d'Adam, au singulier ou au pluriel. Yani selon à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce genre de propos qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la parole d'Allah, mais rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le cheikh auparavant, je disais par rapport au hadith Qudsi, est-ce que, comme si quand quelqu'un pose des questions parfois à propos de ce genre de hadith, est-ce que c'est la parole d'Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné cette parole uniquement en mentionnant sa signification et non pas en voulant dire que ce ne serait pas la parole d'Allah mais plutôt la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt ce que Allah a voulu dire dans le sens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le transmet par son sens seulement. Et le cheikh il dit on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ça de cette façon-là. Plutôt, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est que le hadith Qudsi, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur. Et on s'arrête là. On ne rentre pas dans les détails. C'est la parole d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapportée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté cette parole-là de son Seigneur. Et on se tait. Mais si on nous demande par la suite, est-ce que on applique par rapport au hadith Qudsi les mêmes règles que celles qu'on applique au Coran par rapport à sa récitation ou sa lecture, comme si par exemple, est-ce qu'on va traiter le hadith Qudsi de la même manière qu'on va traiter le Coran, hein? Et le cheikh dit non, parce que ça ne fait pas partie du Coran. Les hadiths Qudsi ne font pas partie du Coran. Et il n'y a pas de récompense pour les quand on les lit, il n'y a pas une récompense comme la récompense de la récitation du Coran. Et il n'est pas une condition pour le lire d'être en état de pureté, contrairement au Coran. Donc les règles qui s'appliquent au Coran ne s'appliquent pas au hadith Qudsi. Et il dit, et donc dernièrement, donc j'ai cette position, et c'est à ce à quoi j'appelle aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas parler, hein, dans ces différentes questions, excepté en mentionnant ce que les salafs ont mentionné. C'est tout. On ne va pas dépasser ou dire plus que qu'est-ce que les salafs ont dit dans ces questions-là. Par contre, si on est forcé, hein, et qu'on est dans une situation où on est obligé de rentrer dans les détails ou d'expliquer certains détails, alors dans ce cas-là, on n'a pas le choix de parler. Comme par exemple, si quelqu'un nous posait la question, par exemple, est-ce que Allah a un corps ou est-ce qu'il est un corps ou non, hein, on ne parle pas de ça. Mais on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création, il est au-dessus de son trône, il a un visage, il a une main, hein, il a un œil, hein, il descend au dernier des cieux, il s'élève au-dessus de son trône. En ce qui concerne les autres termes qui ne sont pas mentionnés dans la révélation, ni à l'affirmative, ni à la négative, comme le jism, hein, est-ce que Allah est un corps ou non, ça c'est pas mentionné dans les textes, c'est pas mentionné dans le Coran, c'est pas mentionné dans la Sunna. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On demande à la personne obligatoirement de s'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi la signification pour lui quand il dit corps? Est-ce qu'il parle d'une chose qui est composée de différents membres et que chacun de ces membres-là a besoin l'un de l'autre? Et que s'il perd, hein, s'il manque ou il perd un de ses membres, par exemple, eh bien, il est diminué, hein, par la perte de ce membre-là, par exemple. Il dit, dans ce cas-là, si c'est ça qu'ils veulent dire par la signification du corps, alors dans ce sens-là, non, Allah n'est pas un corps dans ce sens-là. Toutefois, si vous voulez dire par le corps, hein, un être qui est décrit par des attributs qui lui conviennent, alors oui, dans ce cas-là, Allah est un corps, si c'est ça que vous voulez dire par le corps, hein. Et dans ce sens-là, donc, hein, on peut affirmer cette signification-là comme étant correcte. Mais le terme lui-même, hein, on ne va pas l'employer. Pourquoi? Parce que il n'est pas mentionné dans les textes. وَبِذَلِكَ نُسْلِمْ نَسْلَمْ. Donc, en rentrant pas dans l'utilisation de ce genre de terme, on est sauvé de beaucoup de questionnements et de beaucoup d'ambiguïtés que le diable peut venir jeter dans notre cœur, ou bien que les alliés du diable essaient de nous lancer. D'accord? Donc j'aimerais demander maintenant aux frères qui ont écouté depuis le début s'ils peuvent nous résumer c'est quoi la méthodologie des salafs, les trois points qu'on a mentionnés par rapport aux noms et aux attributs. C'est quoi la règle? Si vous êtes capable de me l'expliquer pour voir si vous avez bien compris. Ok. D'accord. Exactement. C'est ça. Et à propos du deuxième point, on a dit nier ce qu'il a nié, mais on a rajouté un point aussi. Ok, on a dit nier ce que Allah a nié et son messager à propos d'Allah en affirmant son parfait contraire. en affirmant son parfait contraire. C'est-à-dire, hein, si on dit par exemple que Allah ne fait pas d'injustice, eh bien on affirme qu'il est parfaitement juste en même temps. D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'on affirme, on affirme ce que Allah a affirmé. Ça c'est correct. On nie ce que Allah a nié pour lui-même. Ça c'est correct. Mais il faut rajouter en affirmant son parfait contraire. D'accord? Parce que tout ce que Allah a nié à propos de sa personne, c'est une imperfection. Et le fait de nier une imperfection, c'est pas une glorification en soi. C'est pour ça qu'il faut rajouter l'affirmation de son parfait contraire pour que cette négation-là ait le sens d'une glorification pour Allah. Hein? Donc ça, c'est ce que le cheikh il a expliqué là-dessus. Bon, ça veut dire qu'on a conclu cette partie-là. Maintenant, il y a une dernière, partie à cette section par rapport à la foi en Allah. Et cette dernière partie-là, elle est pas longue, mais il y a beaucoup de points à clarifier à son sujet. Donc, on va terminer celle-là probablement dans, disons, peut-être 2 ou 3 cours encore, inshallah. Donc, وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا فَإِنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُعْتَمِدُونَ وعلى ما صار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها عليكم السلام ورحمة الله وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله من طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا اختلاف. أي نعم. فهذا هو. Donc c'est ça qui reste, hein, ça qui reste de qu'est-ce qu'on a à lire par rapport à la foi en les noms, en la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et en ses attributs. C'est ce passage-là qui reste. On va lire la traduction de ça dans les propos de dans la traduction de Dar Salam. Les noms et attributs divins, s'agissant de tous les attributs d'Allah, le Très-Haut mentionnés précédemment de manière générale ou détaillée, dont nous avons confirmé ou infirmé l'existence, nous nous fondons sur le livre de notre Seigneur et la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suivons la voie de nos prédécesseurs et des savants de référence bien guidés venus après eux. Et nous pensons qu'il est obligatoire à propos des attributs d'Allah de s'arrêter au sens apparent des textes du livre d'Allah et de la Sunna, conformément à ce qui sied à Allah Tout-Puissant. Et nous désavouons ceux qui falsifient ces textes en leur donnant un sens différent de celui voulu par Allah et son messager. Nous désavouons également ceux qui nient ces textes en niant leur sens, celui voulu par Allah et son messager. Et nous désavouons ceux qui ont dépassé les limites concernant ces attributs en tombant dans At-Tamthil ou en cherchant à connaître le commun de ces attributs en faisant At-Takyif. Et nous savons de science certaine que ceux qui se trouvent dans le livre d'Allah, le Très-Haut, et dans la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vérité, et qu'aucune contradiction ne s'y est glissée, conformément aux paroles du Très-Haut. Ne médite-t-il pas, ne médite-t-il pas donc sur le Coran? Et s'il provenait d'un autre que Allah, ils y auraient trouvé certainement de nombreuses contradictions. En effet, l'existence de contradictions dans une information implique nécessairement qu'une partie de cette information réfute l'autre. Or, ceci est impossible s'agissant des informations provenant d'Allah le Très-Haut et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque prétend que dans le livre d'Allah le Très-Haut ou dans la sunna de son prophète, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, il existe des contradictions, ceci est la conséquence de ses mauvaises intentions et de l'égarement de son cœur. Qu'il revienne donc repentant à Allah le Très-Haut et retrouve le droit chemin. Quant à celui dont l'esprit est confus au point de s'imaginer qu'il y a des contradictions dans le livre d'Allah ou dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, qu'il sache que cela provient de son manque de savoir, soit d'une compréhension limitée des choses, ou encore d'une réflexion insuffisante. Qu'il cherche donc à augmenter son savoir et qu'il s'efforce de réfléchir jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse clairement. Si la vérité ne lui apparaît toujours pas, alors qu'il s'en remette. وَمَنْ تَوَهَّمَ التَّنَاقُضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَلْيَكِلَ الْأَمْرُ إِلَى عَالِمِهِ وَلْيَكُفُّ عَنْ تَوَهُّمِهِ وَلْيَقُلْ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Donc c'est ça. Donc il a traduit ça. Donc il dit, si la vérité ne lui apparaît toujours pas, alors qu'il s'en remette, il dit qu'il s'en remette à un homme de science. Je crois que dans le terme qui est employé dans le texte arabe, qu'il s'en remette à celui qui le sait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pense pas que le terme « ila alimihi » qu'il veut dire un savant ou un homme de science ici, mais qu'il s'en remette plutôt à Allah, celui qui le connaît, qui le sait, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Et qu'il mette un terme à la confusion qui règne dans son esprit, et qu'il dise ce qu'affirment les gens versés dans la science religieuse, nous y croyons, le tout provient de notre Seigneur. Et qu'il sache qu'il n'existe de contradiction ou de divergence ni dans le livre, ni dans la sunna, ni entre les deux. Donc ça c'est le point, la dernière partie qui nous reste à expliquer dans le chapitre 1 qui est la foi en Allah. Donc comme je disais, on a lu donc le texte, et dans les trois prochains cours, on va expliquer en détail chaque partie de ce qu'on vient de lire maintenant dans cette traduction-là, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.